Chapitre 46e. Mademoiselle de Beauménil avait vivement saisi l'occasion de se rapprocher de Monsieur de Macreuse. Elle comptait sur cet entretien pour savoir si sa défiance envers ce prétendant était fondée. Elle inclinait à le croire, le protégé de l'abbé Ledoux ayant déclaré à Mademoiselle Héléna qu'il avait ressenti à la vue de Mademoiselle de Beauménil une impression soudaine, irrésistible. Or, d'après l'épreuve tentée chez Madame Herbeau, l'héritière savait à quoi s'en tenir sur les impressions soudaines, irrésistibles, que sa beauté devait produire. Cependant, songeant aux diverses circonstances qui lui avaient fait remarquer M. de Macreuse, se rappelant la douleur si profonde qu'il semblait ressentir de la perte de sa mère, la charité dont il faisait preuve par ses aumônes, et surtout les angéliques et rares vertus à propos desquelles Mademoiselle Héléna s'exclamait incessamment, Ernestine voulait, ainsi qu'on dit vulgairement, avoir le cœur net à l'endroit de ce modèle de toutes les qualités du cœur et de l'esprit. « Monsieur de Macreuse, pensa-t-elle, m'avait beaucoup intéressé. Son extérieur est agréable, sa mélancolie touchante, et sans la révélation de Monsieur de Maillefort, qui m'a mise en défiance de moi-même et des autres, peut-être aurais-je senti quelque penchant pour Monsieur de Macreuse. Peut-être, séduite par ces rares et hautes qualités dont on me parlait si souvent, obéissant à mon insu à l'influence de Mademoiselle Héléna, et cédant au choix qu'elle m'indiquait, peut-être j'aurais épousé M. de Macreuse, qui devait, dit-on, assurer le bonheur de ma vie. Voyons donc quel choix j'aurais fait. J'ai, pour reconnaître la sincérité du mensonge, un moyen infaillible. » M. de Macreuse, rempli de confiance par les communications d'Héléna, comprenant l'importance décisive de cet entretien, c'était dès longtemps préparé, ainsi qu'il l'avait dit à l'abbé Ledoux, à jouer serré. Lorsqu'il eut le bras d'Ernestine sous le sien, le pieux jeune homme parut donc tressaillir subitement et la jeune fille sentit l'espèce de frissonnement qui parcourut le bras de son danseur. Une fois en place, par deux fois, M. de Macreuse essaya d'adresser la parole à Mademoiselle de Beauménil. Mais il sembla dominé par une émotion si vive, si naturelle, qu'il rougit très visiblement. L'abbé Ledoux avait enseigné à son protégé un moyen de rougir presque infaillible. C'était de baisser la tête pendant quelques secondes en retenant sa respiration. Cette émotion, très habilement placée d'ailleurs, occupait justement les premiers moments de la contredanse, pendant lesquels M. de Macreuse n'avait pu échanger que peu de paroles avec Mademoiselle de Beauménil. Du reste, par un prodige d'art et de tact, le fondateur de l'œuvre de Saint Polycarpe trouva le moyen, non seulement d'échapper au ridicule auquel s'expose presque forcément un homme obligé de danser, tout en affectant les apparences d'une profonde mélancolie, mais encore il sut être aux yeux de Mademoiselle de Beauménil presque intéressant malgré les évolutions chorégraphiques auxquelles il se voyait contraint. Monsieur de Macreuse était d'ailleurs assez bien servi par son extérieur. Vêtu tout de noir, chaussé ganté avec un soin irréprochable, la coupe de son habit était élégante, et le satin de sa cravate noire seyait parfaitement à sa figure blonde et régulière. Sa taille, quoiqu'un peu replète, ne manquait pas d'aisance, et selon l'habitude, au lieu de danser, il marchait seulement en mesure. Sa démarche avait ainsi une sorte de lenteur gracieuse, mêlée parfois dessous d'un accablement, comme s'il eût traîné le poids douloureux de quelque grand chagrin. Deux ou trois fois cependant, le pieux jeune homme jeta sur Mademoiselle de Beauménil un regard navrant et résigné qui voulait lui dire « Je suis étranger au plaisir du monde, déplacé dans ces faits dont mes chagrins m'éloignent. Mais ce contraste pénible entre ma peine et les joies qui m'entourent, je le subis, parce que je n'ai pas d'autre moyen de me rapprocher de vous. » Le disciple chéri de l'abbé Ledoux appartenait à une haute école d'excellents comédiens, dans laquelle on travaillait soigneusement la mimique en général et en particulier les regards à la fois significatifs mais contenus, les soupirs expressifs mais discrets, le tout congrûment accommodé de roulements d'yeux, de mines contrites, béates ou candides et parfois enflammées d'une ardeur mystique. Aussi le triomphe de M. de Macreuse fut-il complet, en cela que Mademoiselle de Beauménil, malgré la défiance dont elle était dominée, ne put s'empêcher de se dire « Pauvre M. de Macreuse, il est en effet bien pénible pour lui de se trouver égaré dans cette fête à laquelle il doit prendre si peu de part, abîmé comme il l'est dans le désespoir que lui cause la mort de sa mère. » Mais la défiance d'Ernestine reprenant le dessus, « Alors pourquoi vient-il ici ?» se demanda-t-elle. « Peut-être Est-ce seulement guidé par une arrière-pensée cupide? C'est donc dans une honteuse espérance qu'il oublie ses chagrins et ses regrets. Monsieur de Macreuse, ayant enfin trouvé un moment opportun pour entamer une conversation de quelque durée avec Ernestine, se prit d'abord à rougir de nouveau et lui dit de sa voix la plus timide, la plus anxieuse, la plus pénétrante « Je dois en vérité, mademoiselle, vous paraître bien gauche, bien ridicule. Pourquoi cela, monsieur ? Depuis le commencement de cette contredanse, je n'ai pas encore osé vous adresser une seule parole, mademoiselle, mais le trouble, la crainte. Je vous fais peur, monsieur. Hélas, oui, mademoiselle. Mais, monsieur, ceci n'est pas galant du tout. Je ne sais pas dire de galanterie, mademoiselle, répondit le Macreuse avec une tristesse fière. Je n'ai pour moi que la sincérité. Je vous parle de la crainte que vous m'inspirez. Cette crainte est réelle. Et comment, monsieur, vous causez-je cette crainte ? En bouleversant ma vie, ma raison, mademoiselle. Car du moment où je vous ai vu, sans vous connaître, votre image s'est placée entre moi et les deux seuls objets de ma religieuse adoration. Alors je suis resté aussi troublé qu'ébloui. J'avais jusqu'ici vécu pour prier Dieu, et pour chérir ou regretter ma mère, tandis que maintenant... Mon Dieu, monsieur, que c'est donc ennuyeux tout ce que vous me racontez là. Cela vous étonne. C'est pourtant la vérité, car d'abord moi... Voyez-vous ? Ajouta mademoiselle de Beauménil en affectant de ce moment le ton impérieux et dégagé d'un enfant ridiculement gâté. J'ai l'habitude de dire tout ce qui me passe par la tête, à moins que je ne sois forcé de faire l'hypocrite. Que l'on juge si monsieur de Macreuse fut surpris de cette interruption, et surtout de la façon dont elle était formulée, lui qui, selon le rapport de mademoiselle Héléna, espérait et croyait trouver dans Ernestine une enfant naïve, si ce n'est sotte, et tout en Dieu. Aussi avait-il, d'après ces données, composé un maintien et un langage parfaitement appropriés, pensait-il, au goût et à l'entendement d'une dévote ingénue. Cependant, trop habile pour trahir son étonnement, prête à changer de masque au besoin et à improviser une transition pour se mettre au diapason de l'héritière, le pieux jeune homme répondit en hasardant un demi-sourire. Il s'était tenu jusqu'alors dans un milieu grave et mélancolique. « Vous avez raison, mademoiselle, de dire tout ce qui vous passe par la tête, d'autant plus qu'il ne doit y passer que de charmantes choses. À la bonne heure, monsieur, j'aime mieux cela, car tout à l'heure vous n'étiez pas amusant du tout. Il dépend de vous, mademoiselle, reprit le Macreuse en risquant cette fois le sourire complet, et en déposant pour ainsi dire pièce par pièce sa physionomie jusqu'alors touchante et accablée. Il dépendra toujours de vous, mademoiselle, de changer la tristesse en gaieté. Rien ne vous est impossible. C'est qu'aussi, monsieur, il y a temps pour tout. Moi, je parais triste le matin pendant l'office parce que ce n'est pas gai la messe, oh non, et que pour faire pièce à mademoiselle Héléna, je prends des airs de sainte Nitouche. Mais au fond, j'aime beaucoup à rire et à m'amuser. À propos, comment trouvez-vous ma toilette ? D'un goût exquis. Elle contraste par sa simplicité délicieuse avec les parures effrénées de toutes ces pauvres femmes. Après tout, il faut les excuser et ne pas trop vous glorifier. Elles ont besoin de parures, et vous, vous pouvez vous en passer, mademoiselle. Pourquoi orner ce qui est parfait ? C'est ce que je me suis dit, reprit Ernestine de l'air le plus leste et le plus impertinemment convaincu. J'ai pensé qu'avec ma petite robe blanche, j'étais bien certaine d'éclipser toutes les autres jeunes personnes et de les faire enrager de dépit. C'est si amusant d'exciter l'envie des autres et de les bien tourmenter. Vous devez, mademoiselle, être très habituée à ce plaisir-là. Et il est tout simple que la jalousie des autres fasse votre vie, comme vous le disiez si spirituellement tout à l'heure. « Oh, je n'ai pas positivement beaucoup d'esprit, » reprit Ernestine en affectant la plus outrecuidante niaiserie. « Mais je suis très malicieuse, et je ne peux pas souffrir que l'on me contredise. C'est pour cela que je déteste les vieilles gens qui sont toujours à faire de la morale aux jeunes. Est-ce que vous les aimez, vous, monsieur, les vieilles gens ?» « Il faut laisser dire ces momies, mademoiselle. La vraie morale, c'est le plaisir. » Et l'impérieuse nécessité d'une figure de contredanse ayant interrompu monsieur de Macreuse, il profita de cette excellente occasion pour transformer complètement sa physionomie et prendre l'air le plus enjoué, le plus mauvais sujet possible. Sa danse même se ressentit de cette transformation. Elle fut plus animée, plus légère. Le jeune homme de bien se souriait à soi-même, se redressait, portait haut et crânement la tête, puis, quand il en trouvait l'occasion, Il jetait sur Mademoiselle de Boisménil des regards aussi passionnés que les premiers avaient été discrets et timides. Tout en dansant et se posant sous cette physionomie nouvelle, le protégé de l'abbé Ledoux se disait « C'est à merveille. Cette petite fille est hypocrite et fausse puisqu'elle a donné le change sur son caractère à Mademoiselle de la Roche-Aigu. Ou plutôt, je devine, cette excellente amie aura craint de m'effrayer en me disant la vérité sur Mademoiselle de Beauménil. C'est me connaître bien peu. Je préfère que cette petite fille soit sotte et vaniteuse, puisqu'elle se croit spirituelle, charmante et capable d'effacer les plus jolies femmes de ce bal, fausseté, sottise et vanité. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas se servir avantageusement de ces trois excellents leviers. Maintenant, abordons la grande question. Avec une nièce de cette force, la réserve est inutile. L'on ne saurait pousser trop loin la flatterie. La complaisance doit aller presque à la bassesse, car cette petite est une enfant gâtée par la fortune. Elle sait parfaitement qu'elle peut tout se permettre, et qu'on doit tout lui passer, parce qu'elle est la plus riche héritière de France. En revenant à sa place, M. de Macreuse dit à Ernestine « Vous m'avez tout à l'heure, mademoiselle, reproché d'être triste. Il ne faut pas croire que maintenant je sois parfaitement gai, mais le bonheur d'être auprès de vous m'étourdit, et j'ai besoin de m'étourdir. Pourquoi donc, monsieur ? Si mademoiselle Héléna, en me faisant espérer que peut-être vous m'auriez remarqué, que peut-être un jour, lorsque vous me connaîtriez davantage, vous me croiriez digne de vous consacrer ma vie, si mademoiselle Héléna s'était trompée. À propos de mademoiselle Héléna, monsieur, avouez qu'elle est joliment ennuyeuse. C'est vrai, mais elle est si bonne. Oh, bonne ! Cela ne l'a pas empêché de me dire de vous un mal affreux. De moi ? Ou, si vous l'aimez mieux, tant de bien que je me disais, mon Dieu. Que ce monsieur doit être insupportable avec toutes ses qualités. Quelqu'un de si parfait, ça doit être bien gênant. Et puis toujours à la messe ou à de bonnes œuvres, c'est en périr d'ennui. Je ne disais pas cela à mademoiselle Héléna, mais je n'en pensais pas moins. Jugez donc, monsieur, moi qui ne veux me marier que pour être libre comme l'air, m'amuser du matin au soir, être toujours dans le monde, donner le ton, être la femme la plus à la mode de Paris et surtout aller au bal de l'opéra. Oh, le bal de l'opéra, j'en raffole rien que d'y penser, dame. À quoi me servirait d'être aussi riche que je le suis si ce n'était pas pour jouir de tous les plaisirs et faire toute ma volonté? C'est bien le moins. Quand on est riche comme vous l'êtes, reprit M. de Macreuse avec verve, on est reine partout et d'abord chez soi. L'homme que vous honorerez de votre choix devra être, pour suivre ma comparaison, le premier ministre de vos plaisirs, que dis-je, votre premier courtisan. Comme tel, toujours soumis, empressé, son unique emploi sera d'écarter de vous les plus légers soucis de la vie, et de ne vous en laisser que les fleurs. L'oiseau dans l'air ne doit pas être plus libre que vous. Si votre mari comprend ses devoirs, vos plaisirs, vos volontés, vos moindres caprices, tout doit être sacré pour lui. N'est-il pas l'esclave ? N'êtes-vous pas la divinité ? À la bonne heure, monsieur. Voilà qui me raccommode avec vous. Mais d'après ce que m'avait dit de vous, mademoiselle Héléna, d'après ce que j'avais vu moi-même, et qu'avez-vous vu, mademoiselle ? Par exemple, je vous ai vu faire l'aumône aux pauvres, et même leur parler. Certes, mademoiselle, et je... D'abord, moi, monsieur, j'ai horreur des pauvres. Ils sont hideux avec leurs guenilles, ça soulève le cœur. Ce sont, il est vrai, mademoiselle, d'abominables gueux. Mais il faut de temps à autre jeter une aumône à ces gredins, comme on jette un os à un chien affamé pour qu'il ne vous morde point, c'est pure politique. Oh, alors, monsieur, je comprends, car je me demandais comment vous pouviez vous intéresser à des gens si répugnants à voir. Eh, mon Dieu, mademoiselle, reprit le Macreuse de plus en plus pressant, il ne faut pas vous étonner de certaines contradictions apparentes entre le présent et le passé. Si elles existent, vous en êtes la cause. Ne devez-vous pas les pardonner ? Quelles ont été tout à l'heure mes premières paroles ? Ne vous avais-je pas avoué que vous avez bouleversé ma vie ? Eh bien oui, j'avais des chagrins, je n'en ai plus. J'étais pieux, il n'est plus pour moi qu'une divinité la vôtre. Quant à mes vertus, ajouta M. de Macreuse en souriant d'un air fin, qu'elles ne vous effarouchent pas. Je garderai celles qui vous seront commodes, trop heureux de mettre les autres à vos pieds. Ah, c'est infâme ! Se dit Ernestine, cet homme, pour m'intéresser, avait feint d'être vertueux, dévot, charitable, bon fils, et voilà qu'il renie ses vertus, sa charité, sa mère, son Dieu, pour me plaire davantage et arriver à son but, m'épouser pour mon argent. Et les détestables penchants que j'affecte ne le choquent pas, il les loue, il les exalte. Mademoiselle de Beauménil, peu habituée à la dissimulation, et qui avait fait jusque-là de grands efforts de contrainte pour jouer le rôle qui devait l'aider à démasquer M. de Macreuse, ne put cacher son dégoût, son mépris, qui, malgré elle, se trahissait sur son visage aux dernières paroles de M. de Macreuse. Celui-ci, comme tous ceux de son école, étudiait incessamment la physionomie des gens qu'il voulait convaincre ou tromper. La contraction pénible des traits de Mademoiselle de Beauménil, son sourire de dédain amer, une sorte d'indignation impatiente, contenue qu'en ce moment elle dissimulait à peine, tout fut pour M. de Macreuse une révélation soudaine. « Je suis pris, » pensa-t-il, « c'était un piège. Elle se défiait de moi, elle a voulu m'éprouver. Elle a faim d'être sotte, capricieuse, impie, vaine, méchante, pour voir sans doute si j'aurai le courage de la blâmer, et si mon amour tiendrait contre cette découverte. J'ai donné dans le panneau comme un sot. Comment diable aussi allait se défier de cet ingénu de 16 ans? Mais, se dit le disciple chéri de l'abbé Ledoux, frappé d'une idée subite, c'est la fin, ces mauvais penchants. Ces penchants réels sont donc bons et généreux. Si elle a voulu m'éprouver, elle a donc quelque vue sur moi. Rien n'est désespéré. Il faut jouer un grand coup. Ces réflexions du pieux jeune homme durèrent un instant à peine, mais cet instant lui suffit pour se préparer à une nouvelle transformation. Ces quelques instants avaient aussi suffi à Mademoiselle de Beauménil pour calmer ses pénibles sentiments et reprendre courage, afin de terminer cette épreuve en couvrant le Macreuse de honte et de mépris. « Vraiment, monsieur, vous me feriez le sacrifice de vos vertus, » reprit Ernestine. « L'on n'est pas plus aimable. Mais voici la contenance finie. Au lieu de me ramener à ma place, voulez-vous me conduire dans cette galerie de fleurs que l'on voit à travers le salon? Cela paraît charmant. » « Je suis trop heureux de me mettre à vos ordres, mademoiselle. D'autant plus que j'aurai, si vous le permettez, quelques derniers mots à vous dire, et ces paroles seront graves. » L'accent de M. de Macreuse avait complètement changé, il était bref, ferme, presque dur. Ernestine, étonnée, jeta les yeux sur le pieux jeune homme. Il était redevenu triste, ainsi qu'au commencement de la contredanse, mais d'une tristesse non plus mélancolique et touchante, mais sévère, presque irritée. De plus en plus surprise de cette métamorphose, que le Macreuse compléta, solidifia, pour ainsi dire, pendant le trajet du salon à la galerie, Mademoiselle de Beauménil se demandait la cause de ce singulier changement. La vaste galerie où elle entrait alors était latéralement bordée d'encaissements de stuc remplis de masses de fleurs. À l'une des extrémités, l'on voyait un buffet splendide. Presque tous les danseurs étant en ce moment occupés à reconduire leurs danseuses à leur place, il y eut fort peu de monde dans cette galerie pendant quelques minutes, qui suffirent à M. de Macreuse pour dire ce qu'il avait à dire à Ernestine. « Puis-je savoir, monsieur ?» lui demanda l'orpheline, qui ne concevait rien à la soudaine sévérité des traits de son danseur. « Puis-je savoir ? » ajouta-t-elle en souriant, afin de continuer son rôle. « Quelles graves paroles vous avez à me dire ?»« Grave, c'est bien près d'être ennuyeux, ce me semble, et vous le savez, j'ai horreur de ce qui est ennuyeux. »« Ennuyeuse ou grave, vous voudrez bien pourtant subir ces paroles. Mademoiselle, ce sont les dernières que vous entendrez de moi. » Les dernières de cette contredanse, apparemment. Ce sont les dernières paroles que je vous dirai de ma vie, mademoiselle. » Et il y eut dans la voix, dans les traits, dans l'attitude du pieux jeune homme, quelque chose de si douloureux et de si fier que Mademoiselle de Beauménil resta frappée de stupeur. Cependant, elle reprit en tâchant encore de sourire. « Comment, monsieur, je ne vous verrai plus? Après ce que Mademoiselle Héléna m'a dit de vous, je... Écoutez, mademoiselle, » dit M. de Macreuse en interrompant Ernestine. « Il m'est impossible de feindre davantage, de parler plus longtemps un langage qui n'est pas le mien. De quelle feinte s'agit-il donc, monsieur ? Pour venir ici, mademoiselle, je me suis étourdi sur d'horribles chagrins car j'espérais vous voir, et surtout trouver en vous la jeune fille pieuse, sensible, généreuse, candide, dont, pour mon repos, mademoiselle Héléna ne m'avait fait que trop d'éloges. C'est donc à cette jeune fille que j'ai adressé mes premières paroles, empreintes de la tristesse qui m'accable. Mais la raillerie, la frivolité les ont presque tout d'abord accueillies. Qu'entends-je? Quel langage? Se dit Ernestine. Où veut-il en venir? Alors un doute affreux m'a traversé l'esprit, continua Monsieur de Macreuse avec un sourire amer. Je me suis dit que peut-être, mademoiselle, vous ne possédiez pas ces rares qualités que j'adorais et que je croyais trouver en vous. À une si pénible découverte, je n'ai pas voulu d'abord me résigner. Attribuant vos premières paroles à la légèreté, à l'étourderie de votre âge. Mais hélas, la moquerie, la sécheresse de cœur, l'irréligion, la vanité m'ont paru percer dans votre entretien. Alors j'ai voulu m'éclairer tout à fait. Et quoiqu'à chaque instant mon cœur saignât, j'ai voulu lutter avec vous d'insensibilité pour tout ce qui est pitoyable, de dédain pour tout ce qui est sacré. J'ai été jusqu'à paraître renier ce qui est pour moi plus cher que la vie, ma religion et le souvenir de ma mère. » Et une larme contenue brilla très à point dans les yeux du disciple de l'abbé Ledoux. « C'est une épreuve, » pensa Ernestine. « J'ai affecté les sentiments les plus vicieux, » reprit Monsieur de Macreuse avec une indignation concentrée. « Les maximes les plus impies, et de votre part pas un mot de blâme, pas même un mot de surprise. Enfin, j'ai poussé à l'extrême l'adulation, la lâcheté, la bassesse, et vous êtes resté calme, plaisantant toujours, approuvant mes paroles, au lieu de m'accabler du mépris que je méritais. Mais l'épreuve a assez duré, trop duré pour moi, car elle m'apporte un coup aussi imprévu qu'accablant. Enfin, c'en est fait. Pardonnez cette sévérité de langage à laquelle vous êtes peu habituée, mademoiselle, mais sachez-le bien, je ne consacrerai jamais ma vie qu'à une femme digne en tout de mon amour et de ma respectueuse estime. » Et d'un air digne, sévère, mais profondément affligé, Monsieur de Macreuse salua Ernestine et la laissa stupéfaite. « Ah, grâce à Dieu, je m'étais trompé, » pensa la pauvre enfant avec bonheur. Tant d'hypocrisie, de fausseté, de bassesse n'étaient pas possibles. Monsieur de Macreuse a été révolté des apparences que j'avais prises. Voilà encore une âme sincère et élevée. Les réflexions de cette naïve créature, incapable de lutter de ruse avec le fondateur de l'œuvre de Saint Polycarpe, furent interrompues par Madame de la Rochegue et de Sainte-Terre. Celle-ci, ayant vu Mademoiselle de Beauménil entrer dans la galerie avec Monsieur de Macreuse, s'était hâtée de venir les rejoindre, croyant que la jeune fille allait prendre une place au buffet. Mais les deux femmes, la trouvant seule, « Eh bien, ma chère, » lui demanda Madame de la Rochegue, « que faites-vous là ?»« Je venais respirer un peu ici, madame. Il fait si chaud dans le salon. » « Mais, ma chère belle, cette galerie est trop fraîche. Vous risquez de vous enrhumer. Il vaut mieux revenir dans le salon. »« Comme il vous plaira, madame, » reprit Mademoiselle de Beauménil en accompagnant dans la salle de bal Mesdames de Sainte-Terre et de la Rochegue. À l'instant où Ernestine entrait dans le salon, elle remarqua Monsieur de Macreuse qui attachait sur elle un regard désolé. Mais il se retourna brusquement comme s'il eût craint que la jeune fille eût remarqué la douloureuse émotion qu'il semblait ressentir et vouloir cacher.